J'aime le soleil et la clarté, les nids d'abeilles, la volupté. J'aime le soleil car j'y suis né, un soir d'été et de vermeil. J'aime le vent et les orages, les feuilles volantes à mon visage. J'aime le vent car j'y suis né, un jour ambré de mes parents. J'aime la neige, son manteau blanc, ses sortilèges et ses diamants. J'aime la neige car j'y suis né, sur l'oreiller, quel âge avais-je? Devenir grand. Et voilà, c'est tout.